voici l'esthéticienne, elle vient chaque matin. Recoller mon visage, elle me connaît si bien. C'est dommage qu'elle reparte bientôt dans son pays. Elle dit que mon visage, ce n'est pas une patrie. Je ne sais plus quoi faire, mes plans sont bouleversés. Je gèle dans ma cuisine, mais pourtant c'est l'été. Toi qui dors au soleil tous les jours de l'année, n'oublie pas l'émigré que tu as rencontré. Un beau soir, près de Nice, je t'avais semblé perdu. On avait bu des pastis, après, je ne sais plus. Hein, j'ai dû dire qu'il fallait que je rentre au plus tôt. Toi, tu m'as dit pourquoi faire. Ici, il fait si beau. Maintenant je suis seul dans cette vieille Lorraine, à m'esquinter la voix, à perdre mon haleine. Mais je suis là en principe pour savoir si je t'aime. Mais tant pis pour la pluie, c'est une journée quand même.